Tu sais, on est là. Tchiki tchiki pa, hein, pa pa. Ok, ok. Pour certains, nos vies se résument à deux simples chiffres, des voix dans leurs urnes. Pour décider du chef, leur monde m'exaspère. Comme sa pression d'être invisible, appelle nous Casper. Fantôme d'une jeunesse sensible, sans but et sans projet, qui vit trop souvent dans l'excès. Défonce à la ganja, beaucoup se sont paxés avec l'incertitude de devenir quelqu'un avec cette habitude de marcher décalqué. Je croise des yeux vides, dépourvus de sentiments, des vécus fades qui riment avec évidemment. Tellement de gens subissent que ça n'étonne plus personne. Nos cerveaux s'appauvrissent, regarde le niveau d'une sitcom. On nous prend pour des cons en nous vendant de la merde. Putain, les gars, cette vie déconne. L'évolution s'attarde, je la vois déjà d'ici. Notre étiquette irrespectueux, on l'arrache en tirant dessus. Faut faire taire tous ces paveux. Que Dieu soit loué, mais si c'est le cas, j'en veux à kilo tout, égalité mes couilles, on meurt pas tous de kilo trop. Des textes comparables à des romans à l'eau de rose. Compare plutôt l'équipe comme une dream team pendant l'euro. J'ai rien d'un cinéaste, mais j'ai tout de même filmé quelques palettes. Bah, faut pas m'en vouloir si je rêve de vie dans un palais. Et seul est très bien seul, car y'a des choses qui se pardonnent pas. Moi j'ai envie d'autre chose, j'ai envie ces gens qui partent d'un port. Plein les frais de port, quand je t'envoie du sang motivé en pleine gueule, tu trouves des grosses salopes, mais jamais tard. Quand tu tapes sur Google, j'ai mes coups de gueule que j'écris sur du papier. Quand songe, je donne forme à mes pensées. Moi c'est Mino, c'est non pas Picasso. Dans la vie, y'a les plus riches. J'ai vu les pires cassos sans connaissance de cause. Échange pas tes études pour un cassé. J'ai assez fait d'efforts, donc laisse-moi seul avec mes métaphores. J'ai tellement de choses à dire que les mecs inutiles se mettent à fuir. Rien que tu fais, sans raisonner. Système de merde, rien que tu fais, rien que tu sais. La menace fragile, si tu baisses les bras, t'as plus rien à cuire. Rien que tu fais, sans raisonner. Système de merde, rien que tu fais, rien que tu sais. La menace fragile, si tu baisses les bras, t'as plus rien à cuire. Yeah. À tous qui me suivent sans trahir, le principe c'est ni le blé, si tu vois le délire. Frère, je me noie dans le king, et je vois à travers les yeux de l'être l'angoisse s'embellir. Je t'embarque dans la vie lyrique, sarquoi, vie, pas de liasse, mais de joie. Je suis la famine, Hermarque, la hargnerie, je suis le même, mais sans ce putain de rire. Croyant Dieu, je sais pas à quelle fin de vie je suis destiné. La haine m'attire, m'a déprimé. C'est vrai l'ami, c'est dur à dire, mais souvent drogué, malchance à max, l'époque se dégrade, l'état se gâte, ma gorge pâle, te parle en toute sincérité, en fil, je viens de la rue, bitch, ça se voit sur mes habits, yeah. Salut G-Blight, ce soir il faut qu'on cause. Je sature l'esprit sous terre, à la base je suis pas l'occasion. Pour parler y'a le local, moi l'instru m'accompagne. J'ai le cœur en calèche depuis que j'ai perdu ma compagne. C'est le destin, t'élèves pas ton mot mais suis ta meuf. Tu la crois bien mais avant toi elle tire à droite à gauche. Le monde fait peur à voir et on en détale dans le doute. Car on s'est pas doté d'un salaire de ballon de foot. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas nous qui changent la donne. Dans les yeux on s'adonne, mon sale plafond s'abonne. J'presse tous les bâtards qui mettent des bâtons dans les roues. Je dois faire croire à ma mère, son fils est en déroute. Les parents se glorifient et les filles se rabaissent. Tous à la ramasse, qu'on cherche, on le perd. C'est triste à dire, y'a plus de barre de rire. Eh ouais, tout le monde a taillé depuis la garderie. Rien que tu fais, sans raisonner. Système de merde, rien que tu fais, rien que tu sais. La menace fragile, si tu baisses les bras, t'as plus rien à cuire. Rien que tu fais, sans raisonner. Système de merde, rien que tu fais, rien que tu sais. La menace fakir, si tu baisses les bras, t'as plus rien à cuire.